je pense que, comme d'habitude, le micro 3 ne fonctionne pas. Allô. Non, il n'y a rien. Est-ce que le 7 fonctionne? Allô. Le 7, il est très bien. Tiens, je te file le 7. Allô. Est-ce que le 4 fonctionne? Non, mais pour l'instant, non. Le 3, bientôt. Le 4, ouais. Ouais. Le 4, il est bon. Parfait. Et donc, 74. On fait nos derniers réglages, là, le temps de lancer Pyongyang City Rockers numéro 347. Avec ce soir la fine équipe, c'est Lio. Salut. Vol. Oui. Avec un micro d'image. Gaël. Yo. Et deux grands témoins ce soir, messire Ripoll et messire Manu. Oui, oui. Ils sont en train de boire. Ils sont en train de boire. C'est ça. Donc voilà. Alors vous savez qu'il y a du monde dans les studios à Campus. Hein, ça commence à devenir une denrée rare, cette affaire. C'est vrai ça. Le bar est encore plein. Ouais. Et on est le 17 juillet. D'habitude au 2 juillet, il n'y a plus rien. Ouais. Qu'est pas ça. Mauvaise augure. Je sais quoi, il y a un truc. Ou qu'est pas ça, je sais plus. Allez, à la demande d'auditeurs sachant auditer la semaine dernière, qui était curieux de savoir ce qui se passe vers Tunis, je vous repasse un deuxième titre de Znous. Là, c'est une reprise de Gilles, taxé un temps de Beatles marocains, au vu de leur popularité sur la rive sud de la Méditerranée. Ils reprennent un truc qui était plutôt, de la musique traditionnelle. Ils le reprennent en punk, rapidement fait, c'est du punk tunisien. Et puis, puisque c'est comme ça, je vous le passe maintenant. Znous, l'éclame l'aimera ça, s'ils arrivent, oui. I'm a little clip en fond sonore, l'original. C'est bien de passer des trucs en arabe en ce moment, parce que je sais pas, il y a un truc comme ça qui me pousse à dire quand même merde. Pour l'instant, on a échappé au pire, donc je profite. Hein. Tant qu'on peut. Voilà, tant qu'on peut. Ouais, et puis après, on pourra toujours, hein, on est quand même sur campus, quoi. Voilà, c'est Pyongyang City Rockers. Y a quelqu'un ? Oui. Oui, on est là. On t'écoute religieusement. Allez. Moi, je vais vous parler du groupe The A-As and the Blablas. Ouais. Un clin d'œil à The Mamas and the Papas. Sûrement. C'est un groupe qui vient de Zagreb, en Croatie. Leur musique ressemble beaucoup à Oh Yes No, qui viennent aussi de Croatie. Je suis pas sûre, je crois pas. J'ai regardé un peu leur tête et il me semble pas que c'est exactement les mêmes, mais je me rappelle plus tout à fait. C'est du sound punk, art punk, new wave. C'est court, rapide et dansant. Je vais vous passer le titre qui s'appelle Bureaucratie. Ça parle des galères des démarches administratives. Je pense que suite, on connaît un peu. C'est un morceau français. Ou alors ils ont habité en France. Il n'y a pas de bureaucratie. C'est peut-être en Belgique. La même part. Non, mais disons. Ça va bien plus vite en Belgique. Il y a It's Me. Vas-y. Je sais plus où j'en suis. Ça. Tu vois non, mais à la fin du morceau, ils disent un jour, je suis venu avec une bombe et ça a résolu tous mes problèmes pour de bon. Ah, d'accord. Et il faut regarder le clip aussi, c'est un peu fait maison, mais c'est assez rigolo. Donc voilà, Bureaucratie de The A-As and the Blablas. Going by car or going on foot, I'm always waiting for someone to move. Always late and always in a hurry. That's how it must be, so don't worry. Go here, go there, I'm going everywhere. This paper is for this, that paper is for that, but this paper you don't have. Not again. When I'm finally there, the line is so big and nobody cares. Not even trying to speed up to prepare all of the documents. Finally, my turn. But sir, your name counts are number two. How was I supposed to know that? Oh. After work. For good. Ah ouais, on entend la bombe. Bonjour. Bonjour, grand leader. Cher grand leader Stéphane, je te promets que j'ai fait mes devoirs aujourd'hui, mais je n'ai rien trouvé sur le groupe que je vais présenter. C'est avec un nom à coucher dehors. Donc le groupe, il s'appelle Prorva. Donc je n'ai absolument rien trouvé sur eux. Bon, ils ont un Bandcamp, mais à part le fait qu'ils soient polonais. Qui font de la musique punk et qui sont de Varsovie. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai glanées. En désespoir de cause, j'ai même interrogé ChatGPT, t'imagines ? Et pas ChatGPT, hein ? ChatGPT. Je m'insurge, non. On a Windows sur nos PC, c'est pas Windows. Enfin, toi, c'est Linux, mais bon, bref. Voilà. Mais je m'égare, comme d'habitude. C'est pas pour les mollusques. Voilà. Donc, tout ce qu'on saura aujourd'hui sur ce groupe, c'est qu'ils sont cinq. Il s'agit de leur premier EP. Cet EP s'intitule Recha. C'est sorti le mois dernier en version digitale uniquement. C'est dispo sur Bandcamp. Et on écoute le morceau d'entrée de cet EP, dont le titre est Mori. Я вас Ouais, chez moi. T'as trouvé ça où? Sur un super groupe. Ouais, une bonne page Facebook qui ouais. s'appelle Peu de musique. Ok. Ouais, et cette personne, on sait pas qui c'est, mais il passe vraiment, il ou elle trouve vraiment des perles parfois, ouais. des trucs que tu trouves nulle part ailleurs. Et puis, toi, c'est pas chiant parce qu'il te balance pas 5 groupes par jour. Il te balance un morceau comme ça de temps en temps. Ouais, c'est et trop à chaque bien. Fois, ça tue. Ouais, vraiment. Enfin, très souvent, ça tue. Très souvent. C'est une véritable sélection, là. Peu de musique. Voilà. Ouais. Peu de musique. Voilà. D'accord. On va regarder. Allez, place maintenant à du street punk du sud-ouest, d'Agen. Un groupe actif entre 97 et 2011. Une face studio avec 5 titres studio enregistrés en 2009. Jusqu'à présent inédit. Ça devait sortir, il me semble, sur un split avec Cri d'Alerte. Coucou Guillaume. Et une face studio avec un live de 2007, énergique et bénéficiant d'un bon son. Le tout en gatefold avec une belle présentation et un paquet de photos. Donc ça, je crois que c'est le descriptif de Primator Crew. Ouais. Moi, j'y rajoute qu'on doit ce très bel objet à Rusty Knife Records et Kick Your Asso. Coucou Guillaume. Ça chante aussi bien en français qu'en anglais et même des fois en espagnol. J'ai forcément choisi un morceau chanté en français. Un gamin, tout de suite, sur le 106,6, campuslille.com. Oi. Bonne basse, c'est bien. Ouais. Ah, ah ouais, ça le fait. Ah, c'est du punk total, le punk français des années 90. Bah voilà, tiens, j'en aurais tout à l'heure. Enfin, du street punk. Bah, ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'ils font des petits clins d'œil au punk français, quand ils chantent en anglais, un peu plus au punk américain. Ouais. Et alors, ils sont vachement proches de l'Espagne, donc ils chantent aussi en espagnol. Sur la charnière de plein de et choses, quand ils vont jouer en Espagne, ils changent les titres de leurs morceaux qui sont d'abord sur l'Espagne, mais qui disent « Ah bah non, au final, comme on est au Pays Basque, on va dire que c'est au Pays Basque. Enfin, » Et est-ce qu'ils font des trucs au clin d'œil à l'Australie aussi, non ? Peut-être. Bon, je connais pas assez la discographie. Ce que je présente maintenant, c'est Clam. Ils viennent de Melbourne, mais apparemment, ils passent un peu de temps en Europe, vu que leur dernier 4 titres, Disembodiment, a été enregistré au Katzoem Studio, pas loin d'Amsterdam, là, tu sais, là où ont enregistré, entre autres, les gens de VX. Vous connaissez VX quand même, j'espère. Moi, je les ai vus au Hyperfest. La seule fois que je suis allé au Hyperfest. Trop bien. Bah, putain, t'as eu bien raison, là, franchement. Bravo, t'es bien tombé. Et donc, ça se passe que Jody jouait. Hein, du dernier 4 titres de Clam, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, le 19 juillet 2024. Personne ne réagit, c'est bien. C'est fou. Il fallait. C'est ce soir. Ouais, même combien, c'est un quiz. Je t'ai parlé de Monaco. On est le 17. Et, voilà, il est sorti il y a moins de jours. Et d'ailleurs, ce soir, il joue au Pits en compagnie de Bruce. Vous connaissez Bruce et de Retaliation. Enfin bon, surtout, ça va valoir le coup pour les Australiens parce qu'on n'a quand même pas tant que ça. Hein. Et les voici maintenant avec Change Enough, Clam avec 2M. Courez-y, c'est au Pits, ça commence là. Enfin non, c'est déjà commencé même. Ah oui, sûrement. C'est même déjà bientôt fini. Oh, tu rigoles, ça finit vers 22h et non, quelques. C'est vrai. Hein, à 22h. Toujours paf. Oui, ouais. Ouf, allez, à quelques minutes près. Bah, je dis ça, ça fait un an et demi que je suis pas allé au Pits. Oh, bah alors. Oh, bah, faut j'ai même pas ma carte 2024. 4. Je vois, t'as non, encore 6 mois pour la faire. Un peu moins de 6 mois. Je me demande si je suis allé l'année dernière. Si. Non. En 23 aussi. En même temps, on s'en fout. Ouais. Vous avez raison. À moi. C'est Lyon. C'est Lyon, sur Lyon, sur Rondieu Campus. Oh. Alors, il y a un label de cassettes qui s'appelle Xtro qui vient de Florine, qui a sorti une compile avec 57 morceaux dessus en mars 2024. C'est des morceaux principalement garage, soundpunk et post-punk. C'est une C120 ? De quoi ? La cassette, c'est une C120 ? Peut-être. Ouais. Je tu la mets en double lecteur, non, comment ? Double deck. Double deck, 240 minutes. D'ailleurs, on l'a coupé, j'aurais le trouvé. Bah, non, bah, ça va, ouais, je vous la signer. C'est la journée où on coupe. Du coup, il y a The A's and the Blablas, que je vous ai fait écouter juste avant. Et donc, en tirant sur la ficelle, t'as trouvé ça ? C'est ça, voilà. Et il y a aussi Pisseux, par exemple, qu'on connaît. Et c'est un label qu'a sorti MIT, les Belges. Ah oui, Male Idiot Therapy. Théorie. De tourner. Ouais, c'est ça. Vous me dire mythe parce que c'est ça. Les copains de Sylvain. MIT, c'est ça. MIT, ouais. Dessus, j'ai écouté un peu tout ce qu'il y avait dessus et j'ai bien aimé le morceau Internet Punk de Ghoulies. Ça m'a fait penser direct à Ghoulies. Ouais. Ghoulies, allez. Ça m'a fait penser à Bad Nerves en fait en l'écoutant. C'est et Ghoulies, c'est un groupe australien de garage punk. Oui. J'en vois. Vas-y, envoie. Vous écoutez bah, Pierre Rockers, numéro 347, et c'est Gaël qui parle. Faut me filer le lien de cette cassette Bandcamp, ouais, celui-là. Ouais, je te le filerai. Grave. Allez, le maxi 45 tours de la démo de Zone 57, un groupe de Sunderland en Angleterre, est enfin sorti. 5 titres, enregistrés en 82, de l'année 1900, tombés aux oubliettes et exhumés par Zubotai Records. Zubotai Records, qui est une association entre le fanzine BRA, Burdigala Red Army et le label Chrome Records. Zone 57, premier groupe de Dickie Hammond, qu'on retrouvera dans Red Alert, Angelic Upstart, Laserface, Toy Dolls. Livre ici 5 morceaux dans lesquels transpire sa vision du monde de l'époque, vue de sa ville industrielle natale. C'est prenant, hein. Ah bah c'est le descriptif du label. Hein. Vas-y. Je ne voulais pas dire n'importe quoi. T'écris plus rien, toi, maintenant. Bah, quand j'ai des bons trucs comme ça, non. Bien défendu. Retrouvez une interview du chanteur Trèves dans le dernier numéro du fanzine BRA, qui sort simultanément. C'est bien ça, bro. 40 pages au format A4. Donc un grand format ce coup-ci. Yes. C'est le descriptif que j'ai reçu de Chrome Records. Je vous propose qu'on écoute le morceau « The Russians Are Coming ». Enfin. Zavé du pif chez Rose Beef. Tu vas kiffer Stéphane, c'est fumé à souhait. Ouais. Zone 57 dans PCR sur RCL 106,6 FM. bailara baten alde aritu zineten solidario bertan bizitu zenari pena ta eskerrona dario borrokak galdu izanagatik ez du gutxio balio zuen borrokak oroimenari duintasuna eman dio zuen borrokak oroimenari duintasuna eman dio. Oh, le fade out de l'enfer. Ouais, trop bien. C'était bien cette petite chose qui commençait par. Juste après Zone 57, c'était 6 de Abril par Irati 58. Donc on vient d'écouter un morceau qui évoque les luttes et les actions menées pour arrêter les travaux d'un barrage à Istoïse qui a inondé une vallée, cette ville et plusieurs réserves naturelles dans les années 90. Et ça se trouve à l'est de Pamplune. Alors j'ai échangé un peu avec Chemi, le bassiste du groupe de Irati 58, et il m'a précisé que c'était important pour eux d'en parler, car ils vivent juste à côté du barrage, à Oiz et les villages avoisinants, et qu'ils connaissent tous des sinistrés plus ou moins proches. Donc on avait déjà passé ce groupe il y a quelques mois, un groupe que je vais suivre de très près. Comptez sur moi pour vous passer leur prochain tube. Donc c'était donc Irati 58 sur Radio Campus Lille 106,6. Avec 16 d'avril, le 6 avril, eh bien, puisqu'on parle de date, moi je te parle de janvier 92. C'est pas loin. C'est paru sur l'album éponyme de Sentimento Fatal qui est sorti ce 14 juillet, donc là c'est déjà fait. Donc voici Enero del 92 de Sentimento Fatal. Donc c'est mes chouchous de Buenos Aires, vous savez, là, toute cette panoplie de groupes que je passe depuis 2-3 ans. Bref, ici, ils ont sorti donc un album avec une douzaine de titres. Enero del 92, en français, janvier 92, c'est une histoire d'amour, d'occasion perdue, ratée, va savoir, bref, la vie, tout le bordel, quoi. Et voici Sentimiento Fatal avec Enero del machin chose, 92. Ah, on est en France, 92, voilà. Voyage beaucoup ce soir dans le PCR. Argentine, ouais. Pologne. Youpi. Croatie, Tunisie. Puis c'était quoi les autres là qui étaient Australie aussi. Incroyable. Voilà. Quand est-ce qu'on passe du français? Ah, c'est bon. C'est presque des Basques. Hein. Moi, je vais vous emmener aux States. Hein. Je vais pas toujours pas en France. Aux États. Aux États-Unis. Aux USA. Ouais. je vais vous parler de Gel, c'est un groupe de punk hardcore qui vient de New Jersey. En cherchant un peu d'infos sur ce groupe, j'ai découvert que c'est un projet parallèle du groupe de Power Violence Sick Shit. Moi, je connaissais que Gel, et du coup, du coup, voilà. Que j'ai vu au Hyperfest. Qui ça, Gel ou Sick Shit? Non, Gel. C'était pas mal, franchement. Ça a l'air cool. Ouais, ça l'a fait. Gel, c'est rapide, bruyant et plein d'énergie. Ils ont déjà à leur actif un LP, deux EP, une démo et un split. Et je vais passer le morceau Mirage qui est exprès de leur prochain LP qui s'appelle Persona qui va sortir le 16 août. Il y a déjà des morceaux en ligne sur Bandcamp. Youpi, Bandcamp. Si on n'avait pas Bandcamp, il faudrait l'inventer. Hein. C'est grave, mais grave. Moi, je suis prêt à mettre des thunes dedans. Bon, j'envoie Gel et puis c'est cheat. Youpi, Gel. Ouais. We'll be right back. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. En concert, ça doit être bien. Ouais, ouais. L'oreille qui saigne. Même moi, je kifferais en concert, je suis sûr. Ouais. Allez, le groupe germano-hollandais One Voice, les membres se partageant entre Roermond et Dortmund, vient de sortir le 12 juillet. C'est pas loin. Hein. Donc c'est déjà passé. Ouais. Son nouvel album sur les labels Sony Bastards et Cortex. Ils l'ont appelé Not Everybody's Cup of Tea. Ils avaient déjà sorti un premier album avant celui-là, qui n'était d'ailleurs pas ma tasse de thé, en 2018 sur Sony Bastards également. Et ils ont pas mal de dates de prévues, mais aucune dans le coin. Donc si vous voulez en entendre plus, bah, faudra aller diguer le réseau social à de vidéos à façade rouge, car j'ai même pas trouvé un seul Bandcamp. Ah ouais. Bouh. Nous, à PCR, on en a deux. On va vous en passer un. Six days of evil. Nique le taf, nique les collègues. Ouais. Je vous rappelle que un tiers est raston. Vivement dimanche. One voice dans ton PCR. Right now. Oui. Six days. Et voilà, One Voice avec Six Day of Evil sur Pyongyang City Rockers numéro 347. Où on vous tient encore pendant un bon gros 12 minutes. Et maintenant, partons à Colmar en 1996. Est-ce l'arrière-garde de la Oi années 80 ou l'avant-garde du street punk années 90-2000? En tout cas, ça a fait les riches heures d'une certaine émission de Radio Campus Lille à l'époque. Et c'est ressorti cette année en vinyle bleu ou noir chez Amor Irabia et Dirty Punk Records. Coucou Bobo, c'est Cro-Men. Avec un de leurs titres phares, Reste pas là. Oh! 20h52 sur les ondes de Radio Campus Lille. Vous c'est écoutez beau. L'émission Pyongyang City Rockers. Ça fait tout de suite tellement proche. Il est fort âge, Tom. C'est clair. Et en plus, c'est vrai ce qu'il dit. Oui. Bah oui. Contrairement à d'habitude. Oh. Ça va, c'est Lio ? Bah ouais. C'est Lio. C'est ce soir. Mais moi, je vais vous parler du groupe BIMBOS. C'est un groupe de punk hardcore d'Atlanta. B-I-M-B-O. Le groupe. B-I-M-B-O. Le groupe, il est assez récent. Ils viennent de sortir leur tout premier album qui s'appelle BBLP. Alors, j'ai cherché, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est BBLP. Voilà. Ah, c'est peut-être. Ah ouais. leurs textes sont féministes, queer, antiracistes et anticapitalistes. Comme j'ai... d'habitude. Bah ouais. Ça change pas trop. Mais c'est bien. J'ai choisi de passer le morceau qui s'appelle Kimka, parce que les paroles, elles m'ont fait un peu rire. C'est Kimka. C'est Kimka. Kim Kardashian. c'est une critique du capitaliste et on peut entendre I don't want work. I just want to hang out with my friends and fucking twerk. Donc ça m'a fait rire. Allez, 1 minute 30 de twerk sur c'est Radio ça. Campus Lille. Bimbos. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. You have to surround yourself with people that want to work. Have a good work environment where everyone loves what they do because you have one life. No toxic work environment. Alors on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber quand on tombe sur une nouvelle prod de Chubby and the Gang. Des fois j'accroche, des fois pas du tout. Vous vous en doutez que bah, si je vous en parle, c'est que le morceau que je vais vous passer me plaît and betch, le minimum. C'est nonchalant, ça semble mélancolique, donc déjà c'est bien parti pour me plaire. Je pense pas que je l'écouterai tous les jours, mais je me le ferai bien avec vous, là, maintenant, dans Pyongyang City Rocker sur Radio Campus Lille. Le morceau s'appelle The Bonnie Banks. Il sortira sur un 12 pouces le 4 octobre et qui s'appellera And Then There Was. And Then There Was. Ça veut dire quoi ? C'est quelle langue ? Et puis il y avait. Et puis il y en eut. Il y en eut. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est l'anglais ou bien français ? Ah, mais je suis pas habitué à la prononciation. And then there was. Oh, yes. Arrête ! Sur Flat Spot Records. Et c'est une ode à la ville de Londres et à l'idée que tout va bien se passer. Oui, bah oui. D'ailleurs, on va peut-être la traduire en français cette chanson, hein. Pour dire que tout va bien se passer, là, on peut même dire au revoir maintenant parce que là, on va même pas avoir le temps de passer tout le titre. C'est pas grave. Chier. Et donc, on peut dire au revoir maintenant. Au revoir, Akab, Chubby and the Gang, 106,6. Oi, oi, oi. Voilà. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Pas la semaine jours. D'après. Bon, d'accord. Oi. Akab. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Oi, oi, oi. Akab, Akab. Oi. Chubby. The Gang!